Piège à gogo. Faustine est désormais inscrite pour passer le permis de conduire, début septembre. Elle s'y est préparée avec ardeur, ayant vite compris ce que la voiture pouvait lui apporter comme possibilité d'évasion. Promesse de liberté. Bien sûr, depuis qu'elle est amoureuse de son fier gendarme, sa monitrice et amie, France, est moins disponible. Elle s'en est fait de bord, elle semble moins irresponsable aussi. En conséquence, les leçons particulières, à l'aller et au retour des petits bals du samedi, sont limitées au soir du piquet du Pont d'Or. Malgré tout, Faustine se sent opérationnelle. Elle attend le moment de le prouver avec impatience. Comme chaque année au mois d'août, tandis que la Côte d'Azur retrouve son contingent de parigots, les parents, accompagnés de Stéphane, ont mis les voiles en quête de cieux plus calmes. Ils sont remontés vers la Suisse d'où ils rayonneront, une fois libérés des incontournables visites à la famille. Faustine, en semi-congé, garde la boutique, à charge pour elle de terminer quelques travaux et de gérer la basse-cour. Elle s'y emploie, feuilletant à l'occasion les petites annonces du journal local. Tiens, on propose justement une affaire. Une Renault 4L à 3000 francs. Quelle aubaine! Faustine se précipite sur le téléphone. La voiture est toujours disponible. Rendez-vous est pris. Le jour dit, le propriétaire et son fils se présentent. Ils ont déjà garé l'auto sur le parking. Faustine l'inspecte sous toutes les coutures. À ses yeux, elle paraît absolument parfaite. La jeune femme demande toutefois à entendre le moteur. Être sûr au moins qu'il y en a un. Le vendeur, acquiesçant, s'empare d'une manivelle qu'il place dans un orifice à l'avant du véhicule. Faustine n'a pas eu le temps de repérer où. Il mouline. L'engin démarre aussitôt. La jeune femme, ravie, top là, va chercher l'argent et paye. Ah, que voilà une bonne chose de faite, un souci de moins. Au matin, le téléphone sonne. Bonjour Faustine, c'est Nicole. Nicole? Oui, Nicole du Périgord, ta correspondante. Ah oui, qu'est-ce que tu deviens? Je te raconterai, je suis en vacances à partir de demain. Je peux venir 2 ou 3 jours la semaine prochaine? Pourquoi pas, je suis seule en ce moment. Tu as ma nouvelle adresse? J'étais encore à Antibes quand on correspondait. Maintenant je vis à Grasse. Faustine donne son adresse toute contente d'avoir de la compagnie. Elle promet à son amie qu'elle descendra la chercher à la gare de Cannes. Puis s'en retourne à ses affaires. La semaine suivante, elle attend Nicole devant le tourniquet de sortie des quais. Il y a foule, et Faustine, en partie dissimulée par les autres touristes, tente de repérer son invité. Ayant retrouvé une vieille photo d'identité, elle devrait reconnaître facilement son amie. Là! Est-ce bien là ce mastodonte en salopette rayée façon Coluche? Oh, l'affreuse! L'abominable, l'odieuse, la mesquine hésitation. S'enfuir en douce, profiter de l'incognito tant qu'elle peut encore. Faustine a tellement changé en 2 ans. La tentation est grande, d'autant que Nicole ne possède aucune photo récente d'elle. Surtout ne pas accrocher son regard, ne pas laisser filtrer le moindre indice de reconnaissance. Épouvantable dilemme. Diabolique conflit intérieur que Faustine interrompt finalement, faisant appel à tout son altruisme. Dieu que c'est dur! Elle esquisse un signe subtil. L'autre, en face, le bonheur démonstratif, le soulagement manifeste, tellement enthousiaste qu'elle en démolirait la barrière, lui saute au cou, manquant de la faire tomber. Bon, ben, c'est pas tout ça! Va falloir tenir 3 jours. Avec l'impression de traîner un 38 tonnes derrière elle, Faustine se dirige vers la vieille ville en quête d'une pizzeria. Nicole, en bonne périgourdine, ne se contentera pas de promesses. Très sûre d'elle, parlant haut et fort, elle ne semble pas de prime abord avoir inventé la poudre. Mais laissons-lui une chance. Sans vergogne, elle avoue d'entrée n'avoir pas un rond. Elle comptait un peu, beaucoup, sur son hôtesse pour financer ses courtes vacances. Dommage, elle a oublié la grosse boîte de foie gras extorquée à ses parents sur la table de leur cuisine. La prochaine fois, peut-être. Faustine se remémore le dicton dont elle est en train d'expérimenter la cruelle vérité. On a beaucoup d'amis quand on vit en Provence. Les jeunes femmes prennent finalement place dans une crêperie de la rue d'Antibes. Très vite, Faustine se rend compte que si leur correspondance était expansive et passionnante lorsqu'elles étaient adolescentes, à l'âge adulte, elles n'ont plus grand-chose à se dire. Tout en ramant un max pour nourrir la conversation, Faustine cherche frénétiquement un moyen de limiter les dégâts. Elle ne peut pas écourter le séjour de son invité sans que sue, mais au moins que ça passe vite et ne lui coûte pas trop cher. Pour commencer, oh la fourbe, elle diminue drastiquement le choix des distractions possibles. C'est d'autant plus facile que Nicole n'aime ni la lecture, ni la marche, ni les musées, ni tout ce qui exige un effort quelconque. Elle est venue en vacances, pas en voyage culturel, clame-t-elle, dans un grand rire sonore. Par contre, elle a déjà son maillot sur elle. Si on allait se baigner. Sur la plage, pendant l'indispensable période de digestion, Nicole pose sa serviette juste à côté de trois Apollons. Allongée au versant ouest de sa camarade, Faustine est très contente de n'être pas visible pendant que Nicole se consacre à séduire leur mâle voisin par toutes sortes de mimiques roucoulantes. Incroyable ce dont les gens sont capables loin de chez eux. Elle va même jusqu'à pousser la chansonnette. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Pâle imitation du dernier grand succès de Jim Manson. C'en est trop pour Faustine qui explose de rire avant de courir noyer sa honte dans la mer. Nicole la rejoint vexée. Pourquoi tu m'as pas attendu? Excuse-moi, mais j'avais tellement chaud. Quand même, ils étaient trois à me draguer, j'allais pas rater ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant que tu m'as cassé mon cou? Je crois qu'on devrait remonter à la maison. Je dois m'occuper des poules et des chats et j'ai encore du travail. Il y a assez à manger chez toi? On devrait aller faire les courses avant, non? Tu as des gâteaux, du chocolat? Oui, j'ai assez de réserves. Non, je n'ai pas de dessert. Avec une pointe d'anxiété, la pauvre Faustine voit fondre ses économies si péniblement amassées. Après avoir dévalisé le monoprix de la rue d'Antibes, elle monte enfin dans l'autocar de grâce. Les deux jours suivants, Faustine trouve tous les prétextes possibles et imaginables, fatigue, chaleur, travail, pour ne plus quitter la maison, où règne une fraîcheur agréable. Jusqu'au moment béni d'installer son amie dans l'autobus du retour, l'hôtesse la ronge dans un coin de l'atelier avec une pile de bandes dessinées empruntées à Stéphane et répond par monosyllabes exaspérées et négatives à toute exigence de distraction subsidiaire. Implacablement, la machine à coudre vrombit, les travaux finis s'amoncellent. C'est maman qui sera étonnée quand elle verra tout le boulot abattu.